Dis donc, il est giron ton petit sommelier. Le bon cru. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Les Bons Crus avec Simon. Ouais, salut Jérôme. Salut, comment va ? Bah ça va très bien. On est là pour une... On est de retour à deux déjà. Ouais. Shout out Julien. C'est ça. Et on a décidé un peu de regarder en arrière pour cette émission qui sera consacrée au rap français. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que d'ailleurs on parle quand même des fois trop peu, où on sait qu'on a tendance à passer plus, je trouve, de rap américain que de rap français. Ouais, et pourtant, à une période, on se le disait souvent, le rap français nous faisait plus kiffer mais c'était plus l'année dernière. Il y a eu une grosse période sortie là, en 2018 qui était vraiment intéressante. Et... Ouais, même 2017, je trouve, j'écoutais pas mal de rap français. Et donc là, on est en 2019 et on arrive dangereusement à la fin de la décennie. C'est ça. C'est passé très vite. Et on s'est pas arrêté d'écouter du rap. Ça a pas changé. Donc on a décidé de se repencher sur les albums. Les albums qui nous ont marqués et qu'on continue en fait à écouter aujourd'hui. Parce que c'est ça, moi je trouve, comment on peut vraiment juger de la bonne et de la très bonne musique, c'est vraiment comment ça survit au temps en fait. Et moi un bon album, si je l'écoute plus après un ou deux ans, je me dis c'était qu'une période et ça correspondait à une... Je sais pas, peut-être à une période de ma vie ou à une époque. Aussi à une esthétique, un mouvement, vraiment à un son du moment. Et des fois, c'est vrai que ça vieillit mal. Par contre, il y a des albums pour moi qui restent mes classiques parce que je continue à les écouter. Alors, il y a de l'affect, mais il y a aussi une qualité intrinsèque de l'album, quoi. Ouais, clairement. Moi, c'est difficile des fois, de dissocier les deux parce que des fois, comme tu dis... Les sentiments, les émotions qui reviennent avec une musique, ça te rappelle des souvenirs et tu te dis ah ouais c'était lourd, mais en fait faut se reposer un peu et se dire prendre un peu de recul, un peu de hauteur sur ça et se dire est-ce que c'était vraiment bien ou est-ce que c'est juste les souvenirs que j'ai avec qui sont bien. C'est ça. C'est des questions à se poser. Donc vous avez compris, on va vous présenter nos classiques des années 2010 en rap français et on va vous les faire découvrir un peu à l'aveugle en balançant le titre direct. Voilà. Donc attention aux oreilles. Et voilà, et on en reparlera à chaque fois après le morceau pour un peu raconter notre feeling par rapport à cet album et pourquoi on l'a sélectionné. Voilà, donc bonne découverte et bonne dégustation. Attention aux oreilles. Faudra m'expliquer dans le calbut du surplus de quelques barrettes. pur fuge, la mets en pleine tête. La mets en pleine tête. Ta mère la sale pute. Il est trop tard pour Shahed. C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Que le jeu s'arrête. Ça sent la sueur au labo. Des traqueurs sous le capot. Sans prendre tous les bracos. Visé en plein cœur, tous ces raclos. 3 livres de V6. 6, 6, 6, 6, Iblis. Jeune, c'est nègre qui persiste. Et les ténèbres s'éclaircissent. Les singes viennent de sortir du zoo. Sortir du zoo. Armé comme à l'époque du clos. L'ange de la mort dans la peau, dans la peau. Les singes viennent de sortir du zoo, sortir du zoo. Ton cadavre est quelques plots, quelques plots. Le sang est plus épais que l'eau, plus épais que l'eau. Armé comme à l'époque du clos, l'époque du clos. Les singes viennent de sortir du zoo, sortir du zoo. Y'a que les ficelles de tes strings qui te soutiennent, qui te soutiennent. J'te baise et les draps s'en souviennent, draps s'en souviennent. Gros bras pour que Kadia tout vienne, Kadia tout vienne. Me fasse un Rio Gras ou un Tchèp ou Tchèp. La chambre est assez grande pour plusieurs chaînes, pour plusieurs chaînes. Le torse est assez large pour plusieurs chaînes, pour plusieurs chaînes. Dans le monde des blancs, les billets sont mauves, billets sont mauves. Chez nous, l'animal dominant est un noir chauve, est un noir chauve. Quelques grammes par jour dans le pif, par jour dans le pif. Les hommes mentent, mais pas les chiffres, mais pas les chiffres. Le nom d'un mort tatoué sur la peau, sur la peau. Les singes viennent de sortir du zoo, sortir du zoo. Les singes viennent de sortir du zoo, sortir du zoo. Armé comme à l'époque du clos, l'époque du clos. L'ange de la mort dans la peau, dans la peau. Les singes viennent de sortir du zoo, sortir du zoo. Ton cadavre est à quelques plots, quelques plots. Le sang est plus épais que l'eau. Mais comme à l'époque du clos, l'époque du clos. Les singes viennent de sortir du zoo, sortir du zoo. Que c'est de R.O. Violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Et à moins d'avoir vécu dans une cave dans les années 2010, vous aurez sans doute reconnu Caris. Et oui, parce que même si vous n'avez pas écouté sa musique, il a fait un peu de bruit hors musique, on peut en reparler. Ouais. Mais donc là, Caris, donc sur l'album Or Noir qui est sorti en 2013. C'est ça. Donc là, il fait clairement une entrée. Est-ce que c'était son premier projet ? Non, il avait sorti des choses. Non, en fait, il avait sorti. Il faisait du rap depuis longtemps. Ouais. Et il avait sorti une mixtape, on va dire, dans sa deuxième partie de carrière, la carrière où il a explosé. En fait, il a mis du temps. Il était assez âgé, entre guillemets, quand il a pété. Et c'était la mixtape Zéro, sur laquelle il y avait. Le fantôme, je sais plus quoi. Enfin, il y avait un morceau que je trouvais énorme dessus. C'était la cover où il avait un espèce de parachute là, un truc comme ça. Ouais, ouais c'est. Moi, je crois que c'était ça. En tout cas, là, bon, on parle de l'album Or Noir, donc sorti en 2013. Le gros blockbuster. Voilà, c'est ça. Produit presque entièrement par son équipe Therapy Music. Donc aujourd'hui, il est plus trop avec eux, mais. Voilà, c'était un duo de producteurs. Et. C'était très très sombre, très très sale vraiment. Et. Moi, le premier souvenir que j'ai de Caris, j'avais très froid regardé... aussi, très ouais, très froid, très sombre. C'était les prods sont, elles correspondent bien en fait, je trouve, à l'univers de Caris, en tout cas à cette période-là. Et donc la première fois, moi, j'ai découvert Caris, c'était avec cette chanson-là, Zo, et avec le clip en plus, qui en fait, je trouve, un espèce de cliché des clips de rap en fait, où t'as le rappeur qui se met en premier plan et t'as toute la cité derrière en fait. Mais ouais. Là, lui, il l'a fait mieux que les autres, clairement. Puis ouais, l'esthétique noir et blanc, enfin, c'est ça. Très sombre, le ciel gris, la calage qui sort, enfin lui qui sort à moitié de la voiture avec la calage, enfin c'était ouais. Que des images. Et puis les mouvements qu'il fait avec ses bras dans le clip, ouais, qui sont devenus un peu légendaires quand ouais, même. C'était un peu sa marque de fabrique au début. Puis il faisait super peur en fait. Ouais. Il était hyper fort dans l'interprétation. Aujourd'hui, Caris, c'est chouin, c'est, voilà. C'est de la Zumba. Mais avant, c'est vrai qu'il était intimidant. Moi, je me rappelle de rigoler avec mon frère, de dire, ouais, Caris, c'est genre, il est indestructible, quoi. Enfin, alors que pourtant, je crois qu'il est pas si grand que ça, et c'est pas le plus stock du rap français, mais c'est vrai qu'il avait une carrure et une prestance, disons, dans ce qu'il faisait. C'était assez incroyable. Moi, ce morceau, il m'a marqué aussi, hein, comme toi. Mais c'est aussi son couplet sur le morceau de Booba. Ouais, Kalash. Ouais, c'est un couplet de malade où il a marqué tout le monde, je pense, dessus. Ouais. Et voilà, donc en fait... Qui était sorti, donner... juste avant, en fait, ouais. Non ouais, c'est ça, juste avant, sur l'album de Booba. Mm-hmm. Et en fait, voilà, c'est ça aussi le contexte, c'est qu'il est arrivé un peu grâce à Booba sur le devant de la scène. Et tout ça, c'était avant les clashs, bon, on va pas s'étaler là-dessus. Mais donc, non seulement, voilà, il était validé par Booba, qui était au sommet de sa carrière. Enfin, je pense que même, bon, en même temps, aujourd'hui, il est encore au top et tout. Mais à l'époque, Booba, c'était vraiment le seul mec du rap français qui dominait tout. Ouais, et puis quand il dit lui, il est bon, les gens écoutent, quoi. C'est ça. Et voilà, donc là, il a amené Caris et la combinaison entre les deux était folle aussi. Enfin, voilà, c'était... Et tout l'album est comme ça, plein de punchlines hardcore. C'est hyper. Et en même temps, c'est hyper drôle, tu vois. Hardcore, mais moi, j'en ai noté une ou deux là. Elles sont hardcore et puis des fois, elles sont hyper drôles et croustillantes. Franchement, il y a des trucs. C'est risible en fait. Alors, j'en ai noté deux. Bon, il y en a une que vous avez entendue dans Zo, donc c'est Je m'en bats les couilles de Kieran Lame, je trempe mes cookies dans tes larmes. Pas mal. Classique. Ou alors, j'écoute tes couplets et ta zik, trop des bars, je t'apporte des gobelets en plastique pour ton pot de départ. Celle-là, franchement, à chaque fois je l'entends, j'ai... Vous voyez, c'est... Et puis ça, enfin là, je le dis en parlant, mais en fait, il dit ça de manière hyper sérieuse, hyper froide, et il y a un espèce de contraste, en fait, entre ce qu'il dit, qui est drôle, là, on rigole à l'antenne, mais il le dit sur une prod de thérapie hyper sombre et en mode de trop vénère, en faisant son signe. Là, à ce moment-là aussi, il a apporté un nouveau truc dans le rap... qui venait des États-Unis, c'était les flows de la drill de Chicago. Donc en parallèle, voilà, il y a Chief Keef, il y a tous ces gars de Chicago, donc qui font un rap super dur parce qu'ils ont une vie super dure avec beaucoup de gens qui meurent, etc. Et on se souvient tous de I Don't Like et enfin ce type. Ça. Ouais, c'est exactement ça. Et ça a donné naissance à Caris, en partie. Et clairement, l'inspiration vient de là. Et c'était clairement aussi, je ne sais pas si on vous parlait de ça, mais un peu pas l'âge d'or de la trappe en France. Mais enfin, il y avait ça a donné naissance aussi à la trappe française. Voilà, la trappe française. Qui en fait vient de la drill, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais même si Caris aussi, il a quand même pas mal été influencé par des mecs comme Gucci Mane, comme les Migos et tout. Voilà. Ouais, c'est un gros fan de rap américain. En tout cas, aujourd'hui, quand je réécoute Or Noir, je trouve ça toujours aussi bien produit. À part quelques morceaux que je zappe, franchement, c'est des gros bangers que je réécoute avec plaisir. Ouais, moi aussi. Le Or Noir dans la part 2, donc il avait fait une réédition. Ouais. Il y a le morceau Chargé. À l'heure aussi, qui est très fort. Enfin, ouais. C'est vrai que. Je m'en lasse pas. Moi, ça reste des trucs sur lesquels je reviens régulièrement. Ouais. Et voilà, c'était 2013. Donc il y a quand même longtemps. Hein, parce que bon... Et aussi, c'est aussi une période où j'aimais pas trop le rap français. On sortait. J'aimais bien tout ce qui était un peu indé, qui était différent. Mais je trouvais que le rap français, qu'on appelait pas racailleux, mais dur, enfin street, voilà, c'était le rap street. Il tournait en rond. Lui, pour parler de ce rap-là là, dont que tu évoques, il a très très mal vieilli pour le coup. Ouais, c'est clairement. Vraiment un truc les instrus étaient vraiment minables. Ouais. Là, c'est la première fois aussi qu'il y a un blockbuster rap français où les instrus te permettent d'être en compétition avec les États-Unis. Exactement. Ouais. Avant, il y avait un gros gap, je pense, surtout entre les producteurs. Les rappeurs, peut-être, étaient prêts déjà, mais... Ils étaient prêts, mais ils ne rappaient pas sur les bons trucs, donc forcément, ils n'étaient pas non plus à se lâcher et tout. Voilà, ça a bien évolué depuis quand on écoute le rap français d'aujourd'hui et quand on réécoute ça. Bon. Mais franchement, un album comme ça, moi, je trouve qu'il va bien vieillir, il va traverser les époques, ouais, c'est sûr. Un classique, je pense, de cette génération. Gros choc, en tout cas, à l'époque. On passe à un autre morceau. Donc on va vous laisser découvrir le prochain album et puis on en parle juste après. MCP. Tokyo. Yo, Jokizi. Right. Neuf millimètres. On commence esclave, on finit maître. On est dans les chats des midinettes. Quartier dans la peau sur les lunettes. Les négros sont back dans les bacs. Tu back dans les bacs de Vivaldi. Viens pas jouer ton Grimaldi. Si tu portes des survêtres Rivaldi. On vise la main back, pas avec la même plaque. C'est peut-être le même play, mais c'est pas le même black. 500 à un tac, brûlure à l'impact. Trouve-moi chez ta meuf la main dans un sac. M'amène rage moyen, comprend rien. Qui laisse faire baiser par son parrain. J'fais un follow back à sa meuf. J'insère mon machin dans son vagin. Ou pour Pinto, bord saline au cyclone. Quand on rentre en cabine, on se propage sur les billes. Et violé comme résidu de cocaïne. On sort les petits, les gros canivons. Découpe les MC dans le caniveau. Le négro arène a envie à ma rivaux. Joue à la console, je remets leur rap à niveau. On est au-dessus comme leur snapback. Je viens mettre un coup dans ta snake. J'ai disparu comme Gérard Majas. 501 et lunettes quartier. 501 et lunettes quartier. On est au-dessus de ces mecs. On est au-dessus comme leur snapback. Plus les cassettes, plus les stylos, plus les stylos. Dans les cassettes, près d'une Clio. Pour mes chaussures, les appels, taxi, basket. On est dans cette, puis la naissance. Sans cette galère, comme les ancêtres. Pour les malsaines, pour les vicieuses. Qui te mangent tes poids dans ton assiette. Hey, monsieur, pour mon 4 heures. Yo, je l'appelle ma tasse de thé. J'suis un négro, raffiné. Me range pas avec ces macaques, s'il te plaît. J'suis plus déter que le ruffé. Plus que j'ai une Rolex, j'regarde plus l'heure. Négro, j'fais tout ça pour jacuzzi. Je laisse baigner dans ta sueur. Des bas sur ces négros, ouais. Substant, zéro, ouais. Augmente ton de zéro, man. De toutes ces bitches, Renoir débarque sur cette bande de bras cassés. 500, un putain de cœur matelassé. Rétro comme les stars, tac et beeper. Bouteille sur le videur, on cause life atlassé. C'est comme mec, on est au-dessus comme leur snapback. Je viens mettre un coup dans ta snake. J'ai disparu comme Gérard Majas. 501 et lunettes quartier. 501 et lunettes quartier. On est au-dessus de ces mecs. Okay. On est au-dessus comme leur snapback. Néo. La lunette monture en bois, quartier Lévis cartonné. France d'en bas plein de vis, trois quartiers on vient charbonner. Le net on le tue, grosse combat le bis, fait cogner, hop c'est pointu. Dans trois quarts, en cuir pour les abonnés. L'esprit 90s, le placard, la crise j'entends les beepers sonner. On tease, on traîne à la gare, y'a tout à prendre, rien à donner. Mec on practice, avec le diable on connaît. La chaleur du brasier, les paradis factices, les balles, les casques, je rappe. C'est du target practice, la monnaie, crash la rime, paramarctis, sont les marques et nos sales disques viennent détrôner. La porte musique et la révolte, on va prôner. Comme un usine, je parle, tu reconnais l'intonation, je parle, usine, juste après la détonation. Je fais rien, fusible, je fais tir, sans maçon, je bosse à l'usine, un tube et y'a le démaçon. Get. On est au-dessus comme leur snapback. Je viens mettre un coup dans ta snake. Comme Gérard Majas. 501 et lunettes quartier. 501 et lunettes quartier. On est au-dessus de ces mecs. On est au-dessus comme leur snapback. Négro, néo. Et vous venez d'entendre Joke. On va parler de Joke parce que là, il a, c'était sous son nom de Joke. Maintenant, c'est Atayaba. Mais Joke, donc avec le morceau 501 Lunettes Quartier. Et l'EP Tokyo. L'EP Tokyo, donc. Enfin, EP, ouais. Ou album, EP, bon, ouais. Projet, disons. Ouais, on sait pas trop. C'est vrai que c'était deux EP, Kyoto, Tokyo. sorti en 2012 et après 2013 pour Tokyo, et c'était juste avant l'album Ateyaba. Donc là aussi, et c'est la même période, enfin ouais, c'est 2013 quoi, ouais, comme, il s'est fait connaître un peu avant Caris, mais en gros voilà, on est resté dans la même période. Donc, et lui, ça a été un peu le perdant dans l'affaire, bah, en termes commercialement parlant. Ouais, parce qu'il ça, ah tu veux dire à cette période là ouais, ouais, par rapport à un Caris, enfin ça a ouais, moins marché. Ça, ouais. Ouais, je sais pas, j'ai aucune je sais absolument pas si Joke ça a vendu ou pas. Bah Ateyaba ça a moins vendu que Or Noir quand c'est ouais. sorti, vu que c'était à peu près à la même période, je m'en souviens. Mais quand même, je trouve que Joke j'en ai déjà parlé, je crois, la semaine dernière. Bah on en a parlé la semaine dernière. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais enfin en tout cas autour de moi, j'avais l'impression que Joke c'était quand même un nom qui avait quand même une espèce de hype autour de lui, que je sais pas, il avait fait une tournée, j'ai l'impression que tout le monde voulait aller au concert. Enfin, c'était. Je trouve qu'il a eu quand même une certaine influence sur ces années 2013-2014. En tout cas, moi, début 2010, quand il est arrivé, je l'ai suivi avec ses premiers projets. Je trouvais ça vraiment très très bien. Et quand je réécoute, je trouve ça toujours aussi bien, cet album Tokyo là. Même ouais, Kyoto, moi je dirais même tout le Joke d'ailleurs. Moi j'avais découvert Joke, je sais pas toi, mais moi avec le morceau Triomphe. Ouais. Triomphe qui était aussi qui était super lourd. Et Kyoto, pareil, il y avait quoi déjà sur Kyoto? C'était quoi les. Sur Kyoto, en dehors de Triomphe, franchement je sais plus. C'est principalement Tokyo que je retiens. Ouais, Tokyo, c'est vrai que. Tokyo, pardon, ouais, c'était un. Il y a Harajuku, il y a Max B, Louis XIV, enfin il y a vraiment plein de morceaux. Django. Django, voilà. Oh, Django, c'était un gros tube. On l'a déjà dit aussi, mais on le redit, il a eu une énorme influence aussi, je pense, sur l'esthétique. Ouais. L'esthétique, je sais pas, il avait cette influence du coup du Japon, hein, Kyoto, Tokyo, c'est un peu évident. Dans les clips, il avait un style hyper travaillé, hyper un peu original. Moi, je me souviens que je faisais le lien avec A$AP Rocky. Ouais, je pense qu'il y a un... Parce qu'il a ce côté un peu mec de la mode. Ouais, mec de la street et mec de la mode en même temps. C'est ça, voilà. Il faisait des mélanges un peu. Mais je trouve qu'il était bien aussi dans son époque. Il y a, à cette période-là, c'est le moment où la mode, justement, la haute couture s'est mise à côtoyer un peu la street fashion, quoi. Enfin, le streetwear. Et ouais. Joke, c'est vrai que je me rappelle d'un look de Joke. Où il avait une casquette, tu sais, les casquettes sans. Les casquettes de golfeur, là, sans le truc sur la tête. En gros, t'as ouais. juste un espèce de bandeau. Et il l'avait mis, en gros, à l'envers. Je sais pas si je voulais visualiser. Mais il y avait un truc, et c'était. Tu te disais, mais pourquoi il fait ça, quoi? Mais il avait clairement son style, son univers. Et, ouais, franchement, on peut dire qu'il était frais, quoi. Il ouais. était vraiment. Et il avait un côté un peu. Et c'est peut-être ça qui lui a desservi. Élitiste dans le rap, tu vois. Enfin, c'était le côté un peu pas indé, parce qu'il faisait pas du rap indé, mais tu vois, il était connecté avec Tequila Tex, c'est avec lui qu'il a commencé à faire du rap. Il était sur le rap un peu de mec pointu, tu vois. Et, ouais. et voilà, là, c'est produit par Richie Beats, très qui bon producteur, ouais, qui derrière a produit pour énormément de rappeurs. Ouais. Et là, je pense qu'il était au début de sa carrière, Richie Beats, et ça a pas vieilli, franchement, quand on réécoute ce morceau. C'est clair, mais tout l'album, je trouve, n'a vraiment pas vieilli. On pourrait sortir un truc comme ça en 2019, que ça pourrait marcher. C'est pour ça que je me dis, Joke, il est. T'as raison, ce côté un peu élitiste, je pense, ça, en fait, ça l'a desservi, parce que. Il était un peu trop, peut-être trop en avance, même si en vrai, il n'inventait rien, parce qu'il s'inspirait beaucoup oui. des États-Unis, etc., de rappeurs comme ça à porter. Ouais, mais après le mélange fashion rap, disons qu'il l'a bien adapté, s'inspirer, je trouve pas, enfin tout le monde s'inspire, en fait c'est normal de s'inspirer. Après il y a des gens qui s'inspirent et qui le font de ouais, super bien, en fait il y a des super belles copies, il y a des super belles, tu peux prendre de l'inspiration d'un artiste et le faire super bien, donc là ouais c'était bon. En tout cas ça a bien vieilli, voilà, c'est un de nos classiques, là dessus on est tombé d'accord assez rapidement. Ouais. C'était en featuring avec Lino, juste le morceau, donc ouais, aussi une légende du rap français. Et la connexion était déjà là, parce que Lino et Joke ont fait un feat pas plus tard que l'an dernier, sur l'album de Midsizer. Ouais. Donc on peut voir qu'en 2013, ils avaient déjà cette connexion.

On vient d'écouter la légende. Ouais. Les frères des Tarterets. Ah ouais, alors eux, ils ont marqué clairement, hein, je pense, les années 2010. Donc ils ont sorti un album cette année, mais ils avaient sorti donc trois projets avant ça qui ont clairement marqué l'époque. Ouais. Et donc là, nous, on a choisi l'album qu'on considère être le meilleur parmi les quatre. Mais bon, ça, comme on a dit hors antenne, ça change assez souvent. Ben ouais. Bah, Le Monde Chico, voilà. Avant, il y a eu QLF, la mixtape. Le Monde Chico, c'était en gros le premier album. Mm. La sauce est montée avec le QLF, avec le morceau Le Monde ou Rien. Mm. Et puis là, ils ont balancé l'album et franchement... il y a peu de gens qui ont pu éviter ça, quoi. Ouais. Et encore, ceux qui ont évité, bah, ils se sont pris l'album d'après, et ainsi de suite. C'est ça. Et là, je peux dire qu'avec le dernier album, il y a quelques grincheux là, qui n'aiment pas. Mais, Honnêtement, je faisais partie... Moi, je n'ai pas résisté longtemps, hein, clairement. Mais je faisais partie au début de ceux qui... par exemple, avec QLF, j'avais pas été plus convaincu que ça, en fait. J'étais un peu réticent encore. Ouais. J'étais peut-être pas assez ouvert à cette période-là, disons musicalement parlant, hein, clairement. Je me disais, ouais, PNL, non, je vais pas écouter. Et puis au final, je crois que j'avais découvert d'ailleurs avec Olala, et bah, voilà quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas nier, entre guillemets, et tu t'écoutes, c'est comme une drogue. Ouais, j'ai fini par tout écouter, et c'est vrai que le monde changeait. Un peu comme Caris, ils ont ramené un nouveau son dans le rap français. Ouais, très ils ont permis de décomplexer plein de choses. Ils ont apporté un nouveau discours aussi. Mm. Le fait d'être complètement comme ça, mélancolique. Ils parlaient de drogue et tout, de vente de drogue, mais plus d'un point de vue de la personne qui subit ça. Enfin, qui subit. Parce qu'en même temps, ils s'en sortent et tout ça, ils luttent, mais qui ne le glorifient pas, en fait. Ouais, clairement. Moi, c'est ce qui m'a... Ce que j'ai apprécié au final, parce que bon, les rappeurs, souvent ils glorifient ça ou ils en parlent. Il y a un genre peu... de folklore, quoi, qui est un voilà, peu. Exactement, il y a un genre de folklore, genre ouais, on bibi, c'est cool, tu vois, comme Caris, tu vois. Caris, c'est l'inverse, clairement. Genre, lui, bon, c'est un peu. Il flex là-dessus, quoi. Alors que PNL, c'est clair que bah, c'est pas ça. Il parle d'un point de vue vraiment ouais, humain et ce que peut vraiment, je pense, ressentir au final un dealer, tu vois. Genre. Ouais. Et après, bon, la couche d'autotune, même si, voilà, Caris aussi, il y en avait déjà un peu. Mm. Et je pense qu'ils ont eu la même influence aussi au départ. Sur QLF, on sent bien l'influence toujours de la drill. Mm. Mais eux, ils allaient plus chercher vers du Lil Reese, des mecs qui chantent un peu tout en ayant des flows rapides. Enfin, voilà. Ouais, clairement, ils ont très bien utilisé l'autotune. Mais en même temps, ils continuent toujours à rapper. Et le autre point commun, et qui fait que c'est un classique, c'est les producteurs. Non. Ils ont, eux, c'était un ingé son, en l'occurrence, qui les a accompagnés. NKF. Là, ouais, et qui leur a permis d'atteindre un son, une pureté de son incroyable. Et ils avaient déjà du goût. Donc eux, ils ont popularisé les type beats, ils se sont servis, commencé à rapper dessus et tout. Et toute cette vague avec cloud rap, voilà, c'est grâce. Ouais. Bon, on en a beaucoup parlé, je pense qu'on va pas trop s'étaler. Ouais. Mais voilà, le choix pas évident, mais voilà, moi, Le Monde Chico, ça restera, je pense, mon préféré. Ouais. Voilà. On fera pas de classement ce soir. Non. On se réserve ça pour dans quelques années. Voilà. Alors, on écoute un quatrième morceau. Allez, c'est parti. Écoutant la boue et dans ma voix, comme détail de coca sous torchons et les serviettes. Les rocs en cours et les guerres viennent. Micro-ondes, des quêtes, plafond des merveilles. J'vise le haut du mur, pas pour l'oseille. Le rap ramassera le bon, ça j'vais lui mettre. J'équipe la puce, si j'te rends la pareille. La tienne est la mienne, c'est pas la même règle. Couche canadienne, hey, j'regarde le ciel, hey. J'mange mon tiep, hey, à l'arrière du Yefrey. Couche canadienne, hey, j'regarde le ciel, hey. J'mange mon tiep, hey, à l'arrière du Yefrey. Vu qu'il nous sert de carapace comme celle de coupe, hein. J'ai rehaussé le game malgré les chaînes du coupe, hein. Je me tease même pas, mais ce game de merde me saoule. Je me tease même pas, mais ce game de merde me saoule. Vu qu'il nous sert de carapace comme celle de coupe, hein. J'ai rehaussé le game malgré les chaînes des coupes. Je me tease même pas mes games de merde me saoule. Je me tease même pas mes games de merde me saoule. Saoule, saoule, saoule. Je me tease même pas mes games de merde me saoule. J'ai rehaussé le game malgré les chaînes des coupes. J'ai perdu des guerres, perdu des combats. Mais je n'ai jamais fui devant la stomba. J'ai refusé des équerres et des compas. Ce soir, pas de balance à gars, j'suis sous Yojiyama. Karate, Chopin, Ana, Box, Taino, Ritaka. J'fais que des classiques, des BZ, Toriyama. Pourtant, j'écris juste que j'pense que crack, Rodijama. Je ne cherche pas de punan ici, si jamais je dépense c'est pour la mif. Je dépense mon habit que pour la mif, j'investis mon temps que pour la mif. Bitch, je ne cherche pas de punan ici, si jamais je dépense c'est pour la mif. Je dépense mon habit que pour la mif, j'investis mon temps que pour la mif. Mais qu'une nous sert de carapace comme celle de coupe. J'ai rehaussé le game malgré les chaînes des coupes. Je ne tease même pas mes games de merde me saoule. Je ne tease même pas mes games de merde me saoule. Mais qui nous sert de carapace comme celle de coupe. J'ai rehaussé le game malgré les chaînes des coupes. Je ne tease même pas mes games de merde me saoule. Je ne tease même pas mes games de merde me saoule. Saoule, saoule, saoule. Je ne tease même pas mes games de merde me saoule. Et on a continué dans la veine de l'autotune, du rap totalement autotuné. Ouais, clairement, là. Là, si vous aimez pas l'autotune... Alors, désolé. Là, on a écouté Kekra. Bon, si vous écoutez l'émission, vous connaissez Kekra. C'est clair. J'aime beaucoup. Simon ouais. a chopé le virus aussi, je crois. Ouais. Merci, Jérôme. Là, c'était un extrait de Vrai L2. La version Deluxe, même. Le morceau Uzi. Et c'est sorti en 2017. Donc, il est apparu avec... en fait, il avait un... Il a changé de carrière, il a changé de nom. Et il s'est fait appeler Kekra. Et là, il a recommencé une carrière, entre guillemets. Bon, avant, ce qu'il a fait, c'était complètement inconnu, quoi. Et il a fait une série de mixtapes, c'était les Freebase. Mm. Et lui, il s'appelle Kekra. Donc voilà, en fait, c'était tout ce truc. Et lui, c'est la drogue musicale, quoi, en fait. C'est ça, genre, il nous a abreuvé de musique de manière incessante. Il était hyper productif. Et ce qu'il disait dans une interview d'ailleurs, c'est qu'il balance tous les morceaux. Genre, il a rien en réserve, quoi. Ouais, il a tout leftover, balancé quasiment. Ouais. Mais Kekra, moi, je trouve ça s'écoute ouais, comme PNL au final, un peu comme de la drogue, quoi. Tu commences à lancer un album de Kekra, c'est bon, tu peux lancer trois albums en aléatoire. Tu vas pas trop zapper. C'est ça. Et comme PNL. que Crash, j'ai du mal à écouter dans des playlists avec d'autres artistes. Genre, quand j'ai envie d'écouter du PNL, j'écoute du PNL. Ouais, pareil pour que Crash. Bah, ça va avec ce que je viens de dire au final. Ouais. C'est que quand tu lances, t'as envie d'écouter la suite. T'as pas envie d'aller voir d'autres artistes comme tu pourrais le faire avec d'autres. C'est clair. Et donc, comme on disait en antenne, que Crash, pour moi, c'est dans les flows, ouais, dans les flows autotunés, disons. C'est un des meilleurs, clairement, du rap français. Il s'en vante. Il s'en est vanté maintes et maintes fois que voilà, il avait mille et un flows, qu'il en avait encore. Ouais. Il en a en réserve, il en a. Sur les premiers projets, il y a un journaliste qui lui avait fait remarquer un truc qui était fort, et je suis entièrement d'accord, c'est que on avait l'impression en écoutant qu'il y avait plusieurs rappeurs sur le morceau. Mais en fait, c'est juste lui, quoi. Il change de voix, il change de flow. C'est un peu moins vrai maintenant. Mais sur les premiers, genre, il était clairement dans la recherche. Ben c'est fort. Il testait des choses. Et je pense qu'il a, il a un talent comme ça pour. Il a une oreille et tout. Alors, il tourne un peu en rond dans les textes et tout. Maintenant, il s'est un peu recentré. C'est un peu plus, moins décousu et tout. Avant, c'était plus freestyle. Mais quand c'était freestyle, c'était aussi jouissif dans le sens où. Il allait chercher plein de flows différents et tout. Ouais. Ouais. Donc, Vrel 2, moi, quand je le réécoute, c'est juste, je pense que c'est juste son meilleur projet, ouais. Clairement. Il y a le titre 9 Milli qui avait pété, je pense que c'était avec ça qu'il avait. Quand il a ramené toute la vibe d'un peu two-step, ouais. Dub, voilà, le truc un peu grime, tu vois. Bah, moi, c'est avec ça qu'il était apparu, en fait. Sur internet pour moi, j'avais pas écouté tout de suite. C'est Jérôme qui m'a dit faut que t'écoutes Vrel 2. J'avais écouté Kekra, ouais. Donc voilà, Kekra, Vrel 2, même en fait, tous les projets, je trouve, ont quelque chose d'intéressant. Donc pour moi, c'est un artiste qui va rester et ça a bien vieilli parce que même comme tu dis, les freebase, bon, ça fait que deux ans, hein, mais ouais, bon. Mais même les freebase, je trouve, il y a des choses qui, pas ouais. Tout, hein, mais il y a des trucs qui ont très bien vieilli. Le Vrel volume 1, j'écoute très bien aussi. Le Vrel volume 1 est très bien, mais en fait. Il était moins. Il n'y avait pas tous ces sons un peu, justement, grime, façon grime, que je trouve hyper cool dans le Vrel 2. Surtout dans la partie deluxe, dans les bonus, il y a des morceaux très très lourds. Mm. Enfin voilà, et il a des façons de modifier sa voix, de jouer avec l'autotune, avec les sons des mots et tout. À insister aussi sur un peu. Il pousse l'accent de la cité, son argot et tout. Un peu comme PNL aussi, qui a beaucoup utilisé son argot. Voilà. Ah, que Kra encore plus. Hein, mais... ouais. Ouais, franchement, c'est dur à saisir tout ce qu'il dit. Voilà, hyper intéressant. Moi, je kiffe. Classique. Classique. Classic cheat. Allez. On passe à la suite. À la suite. Changement d'ambiance. À 16 ans, j'ai dû voir un psy, mauvaise graine. Alors je mords le métal, j'ai pas besoin de leur merde dans le mental. J'ai connu la galère et je n'en redemande pas. Je sais que devenir quelqu'un demande énormément de taf. Mauvaise graine, j'ai pas la tête de l'emploi. La mort vient scred, mais la mort ne ment pas. Les mots m'espèrent, la monnaie monumentale. Avant d'avoir le respect, c'est d'avoir le mental. Mais mauvaise graine, sous la bras des montagnes. Je veux voir le mauvais chemin déçu par nos voix. On ne confond pas l'honneur et l'orgueil. On a tous dans le cœur le rayonnement des supernovas. J'ai côtoyé des gens qui parlaient d'amitié mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ceux qui te font rigoler quand tout va bien mais qui ne seront jamais là quand le malheur te noie. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. Pour mes mauvaises lettres. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. Y'avait des mecs dangereux chez mes ennemis. Un jour ils ont commencé à menacer ma mif. Alors je me suis armé par le biais d'un ami. Mais Dieu merci, je m'en suis jamais servi. Faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Nous-mêmes on se connaît pas. J'ai fumé trop de shit noir mais je suis népal. Quand la galère te transforme en épave. On n'aime pas quand la coke passe dans le nez paf. La monnaie part comme on épargne. Ce monde débarche, on mérite seulement des baffes. Mauvaise graine, pas de trêve. Mauvaise graine, ne veut pas de traite. Ce soir dans ton tiroir tu foudras ta flasque. Avant de t'endormir elle t'en foudra ta femme. L'équipe était prête à prendre la foudre à ta place. Mais t'as fait le traître alors on floutera ta face. J'ai côtoyé des gens qui parlaient d'amitié mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ceux qui te font rigoler quand tout va bien mais qui ne seront jamais là quand le malheur te noie. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'esprit cartésien. Je viens de Paname, y'a pas de quartier sain. Moi je ne veux qu'une femme, mais je ne suis qu'un homme. Si je vois pas ton âme, je regarde tes seins. On les taquine, mais les femmes on respecte. Ne crois surtout pas qu'on aime cette image dégradante. C'est super triste, moi je pense à ma sœur, la meilleure supportrice, tout en haut des gradins. Tu te noies dans l'alcool, moi je faisais de même. Est-ce que dans ta tombe, t'assumeras les revers? On m'a viré de l'école depuis déjà deux mois. Mais maman vient de tomber sur mes relevés. Man, attention, ça t'amène à des tensions. Parmi les gars d'époque, y'en a pas mal en détention. Maintenant le jeune grec fait de la manutention. Mauvaise graine, je veux m'évader dans le son. Viens dans ma dimension. Le même sur scène ou en loge. Le même pied nu ou en Nike. Mon ami le talent. Il faut qu'en parler. Nous on l'a, on a freestyle. Et dans l'allée de l'eau en large, on est. Le même sur scène ou en loge. Les mêmes pieds nus ou en Nike. Mon ami le talent. Il faut qu'en parler. Nous on l'a, on a freestyle. Et dans l'allée de l'eau en large. Maman m'a dit ne trahis pas ton éducation. Voilà pour la famille dans la vie, c'est une obligation. Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme un mauvais garçon. Je ne voudrais jamais de tes cadeaux tomber du jamais. 6 ans j'ai dû voir un psy, j'ai dû voir un psy. À 16 ans j'ai dû voir un psy, j'suis une mauvaise graine. À 6 ans j'ai dû voir un psy, j'ai dû voir un psy. Et on vient d'écouter Nekfeu avec le morceau Mauvaise Graine. Donc je me voyais mal parler des années 2010 sans parler de Nekfeu, parce que pour moi il a eu quand même une grosse influence, ou du moins une grosse importance sur le début des années 2010 avec les Rap Contenders, avec ses groupes 1995, l'entourage. Mais au final j'ai pas retenu ça parce que je trouve que ça a assez mal vieilli. Nekfeu a sorti un premier album solo qui a très bien marché, c'était évident en fait. Il avait une belle gueule, il avait déjà eu un buzz... avant avec les groupes, les Rap Contenders, c'était sûr que ça allait marcher, mais pour moi il était un peu trop commercial. Et après il a sorti cet album Cyborg qu'il a annoncé en live en 2016 lors d'un concert à Bercy. Il a dit je sors un album, il a sorti l'album, il a fait zéro promo du coup. C'était un peu la mode de sortir des albums comme ça vite. Drake l'avait fait aux États-Unis. Il a fait zéro promo, zéro clip. Et au final, l'album est beaucoup mieux, je trouve, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus cohérent, aucun titre qui est vraiment destiné à la radio. Après, on se reconnaît dans ce qu'il dit ou pas. Moi, personnellement, je me retrouve dans pas mal de trucs qu'il dit. Donc après, on aime ou pas son style, on va dire, c'est un peu des fois de la branlette, pas intellectuelle, mais de flow. C'est vrai que des fois, il est un peu dans des facilités d'écriture. Mais pour moi, on peut pas nier quand même qu'il rappe plutôt bien. Ouais. Non mais tu vois, en fait, ce qu'on peut reprocher à Nekfeu, on peut le reprocher à un Kekra, tu vois, alors que ça nous parle. Mais c'est juste que ce que certains lui reprochent, c'est le côté un peu trop premier degré des fois. Ouais. C'est un peu ça. Mais clairement, Cyborg, même moi qui n'écoute pas Nekfeu quasiment pas, de ce qu'il a sorti, Cyborg, c'est ce que, il y a des choses, ce que je trouve de mieux, en tout cas. Ouais. C'est clair. Si je dois conseiller un album à quelqu'un comme toi, Jérôme, qui n'aime pas forcément Nekfeu, je conseille direct Cyborg, parce que franchement, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à écouter dessus en termes de prod, même de paroles. Honnêtement, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Voilà. Ouais, et puis de tous ces mecs, bon, c'était quasiment le meilleur, quoi. Ouais. Bon, il y en a un qui est meilleur que lui, mais on en parlera à la fin de l'émission. Mais spoiler. Mais voilà, ouais. Donc un classique pour beaucoup de gens, je pense. Hein, franchement, ouais, classique pour moi. Et ouais, je sais que j'en ai parlé autour de moi. C'est vrai que Cyborg ressort au final comme l'album classique de Nekfeu, pas comme l'album Feu du coup avant qui était beaucoup plus commercial. Mais on va passer à un autre album. Donc ça, c'était vraiment le classique plus perso à Simon. Ouais. Et là, ça va être un classique plus de mon côté. Voilà. C'est parti. Je connais pas la partition, je connais que ma partition. Je m'habille en noir comme Ardisson. Je rappe pas s'il y a pas de chichon. Si je tolère la police, non. Un tonnerre d'applaudissements. Tu connais le mal dominant. Nouveau projet hard, trop piquant. Je suis imbattable, lyricalement. Je veux voir la chatte de Sylvie Vartan. Victime battant de 9-1 commence proprement et finit salement. Salut salope, Al Capote allume la torche. J'l'allume. Avec de la chine la drogue la pure. Jusqu'à ce que ça me brûle la gorge. Même si tu n'as plus la force. T'es conscient, j'assure à mort. Innocent, m'accusateur. Fais doucement, Dracula d'or. J'fais plus de fils, ça suce la force. Les suspects crachent sur ta prod. Ténébreuse, clique les enculs. Ténébreuse, clique les emputes. J'veux l'argent à paillettes ou des alfayettes pour faire des emplettes. À la faillette. J'veux l'argent à paillettes ou des alfayettes pour faire des emplettes. À la faillette, pute. La qualité du produit dépend de la qualité du produit. La qualité du produit dépend de la qualité du produit. La qualité du produit dépend de la qualité du produit. La qualité du produit dépend de la qualité du produit. La qualité, c'est normal, mon gars. Fatalité, comme dans les Mortal Kombat. La qualité, c'est normal, mon gars. Fatalité, comme dans les Mortal Kombat. C'est ton pire cauchemar, tu perds le team toute noire. On arrive sur le boulevard et on te fout les boules graves. Ténébreuse musique, c'est des meurtres sur Scuddy. La vérité est ailleurs comme Mulder et Scully. Les bitches et les mythos, j'évite. J'suis bien pire que Milosevic. Vas-y, sniff. Putain, y'a que quand je baisse que je me dis qu'au fond tout va bien. Alors nique ta race comme le ferait un bon à rien. Tiguer des ceux qui fait grincer les pneus. Râler les vieux. Craquer les bleus. Faut éradiquer les deux. Irradier les dieux. C'est vrai qu'on est belliqueux. Comme le petit Eric. On aime la polémique. Mon rap est délicieux. Il est précis et précis. Vas-y petit, apprécie-le. Tu sais qu'il n'y a pas grand chose de nid. Je suis polyméodie. Un vrai diopie. T'es comme moi, y'en a pas deux. Je suis comme toi, mais en mieux. La qualité du produit dépend de la qualité du produit. La qualité du produit dépend de la qualité du produit. La qualité du produit dépend de la qualité du produit. La qualité du produit dépend de la qualité du produit. La qualité, c'est normal, mon gars. Fatalité, comme dans les Mortal Kombat. La qualité, c'est normal, mon gars. Fatalité, comme dans les Mortal Kombat. J'ai une banane de malade dans Paname. J'me balade, la salade plein la Paname. Ralph Lauren sur le pare-balles. Encore une journée banale qui risque de finir grave mal. Tabarnak, la bagarre, quel carnage. T'es juste un nègre au bas étage. Une petite tasse qui s'est pris pour des tâches. Bah les pattes, j'suis mal aimable. Et toi malléable, j'sors des marécages avec un beau lénage. Avale mon laitage, au 91ème étage. Voilà, l'aigle royal de Carthage. Tu sais que ça déménage. Sale grosse nuit, je vais pas me faire baiser par autrui. Ça vaut la qualité du produit. Ténébreuse clique, vous souhaite une bonne nuit. Une bonne année, une bonne santé. Je bananer des Hollandais. Bande de putain. Vas-y, vas-y, vas-y, pute. Ça sniff, ça sniff. Affirmatif, alors c'est qualitatif. Et on vient d'écouter Butter Bullet avec Al Capote. Ils ont fait un album commun qui s'appelle Ténébreuse Musique. Et pour moi, c'est clairement un classique des années 2010. Donc ça, c'est sorti en 2000, si je dis pas de bêtises, 2015, non 2017, je ne sais plus. En tout cas, cet album, il a une histoire particulière. En fait, il est né de la connexion entre Butter Bullet, donc c'est un duo CDC de le rappeur qui est reconnaissable par sa voix un peu nasillarde, et Della le producteur, qui est une grosse influence Memphis, on va dire. Et ils avaient fait un morceau avec Al Capote qui s'appelait Chien, et c'était devenu un peu un classique chez les fans d'Al Capote, chez les fans de Butter Bullet. Et puis il y a un mec, Singe Mongol, un mec d'internet, que vous pouvez retrouver sur Twitter. Il a fait une BD sur Al Capote et sur ce projet, sur l'histoire de ce projet. Et c'est lui qui a monté un Kickstarter pour financer le projet, quoi. Ah ouais. Parce qu'à cette époque, Al Capote était dégoûté du rap parce qu'il ne gagnait pas sa vie avec. Il était déjà un personnage, il avait déjà une longue carrière avec L2F, chez Neochrome, plein d'albums, et il avait jamais réussi à péter vraiment. Et finalement, en allant vers d'autres sonorités, en se mettant à la page avec DJ Widim notamment, et puis aussi avec les prods de Della, il a la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais voilà, donc ils ont sorti cet album commun qui est très très fort sur toute la construction des prods, sur toute l'histoire. Il y a des feats incroyables avec Hamza, Joker. Enfin voilà, c'est gros casting. Et ils ont cet univers un peu particulier, totalement sans concession. Et on peut l'entendre dans les paroles, c'est très trash, c'est très cru. Mais il y a quand même beaucoup de second degré. Hein. Et voilà, moi, pour la qualité des prods, pour l'originalité du rap, les flows, tout ça, je trouve que c'est classique. Quoi. Je le réécoute très très souvent. Et ça résume bien un peu, je voulais parler de ces deux groupes qui sont, enfin, d'un côté d'Al Capote et d'un côté de Butter Bullet, et voilà, c'était l'occasion parfaite. Donc on arrive à la fin de cette émission sur la rétrospective des années 2010, et on va finir un peu par un autre classique de la fin de décennie. Ouais, donc, parce qu'il y a beaucoup d'albums qu'on a aimés hein, ces dernières années quand même. C'est dur, hein, c'est dur d'en parler, on a dû en jeter beaucoup ouais. à regret. Et donc là on va parler très rapidement de Alpha One en fait. Alpha One qui a sorti Une main lave l'autre, donc pour moi qui est un énorme album vraiment de cette fin des années 2010, clairement. Moi, pour moi, c'était genre ce qu'on appelle les classiques instantanés. Ouais, c'est que quand je l'ai écouté, j'ai compris que je m'en souviendrai en fait. Ouais. Et chaque écoute, peut-être aujourd'hui ça commence à ralentir, mais chaque écoute, je sais pas, je captais des nouvelles phases, captais des nouveaux trucs en me disant ah, il est trop chaud, il est trop. Ça, c'est. Enfin, bref. Ouais, et puis même les flows. Je t'arrive pas d'éloge, clairement. Sûrement. Et puis toutes les prods qu'on fait, son équipe là. Mais c'est hyper. En même temps, c'est hyper simple et hyper. Je sais pas. C'était parfait. J'attendais rien de lui et il a sorti un truc. Et pour le coup, je me suis dit, en fait, c'était ça que j'attendais. C'est ça. Et pour le coup, c'est de lui dont je parlais quand je disais un des meilleurs de cette époque. Donc, il a travaillé son art. En attendant de faire cet album un peu ultime. Voilà. Voilà. On termine l'émission là-dessus. Donc, on a choisi le morceau Macro. Voilà. Voilà. Et c'est sorti l'année dernière. Voilà. Au cas où vous n'aviez pas écouté nos émissions précédentes. Allez, ciao. Ciao, à la semaine prochaine. Respect à Nibisal et à Salif, les étoiles s'alignent. Vrai noir en peignoir, tu nettoies salive. Paye-moi, j'arrive dans cette merde comme Jean-Jacques Dessalines. Je suis un négro spatial, connecté avec quelques ghettos spartiates et des goasiates. Ils veulent être chi. Moi du mercredi au mercredi, je veux faire des sous comme être Gims. Vous pouvez être deux, vous pouvez être 10. Quoi qu'il se passe, les vrais.